Genèse chapitre 39. Or, quand on eut amené Joseph en Égypte, Potiphar, eunuque de Pharaon, prévôt de l'autel, égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites qu'il y avait amené. Et l'Éternel était avec Joseph, et il prospéra, et demeura dans la maison de son maître égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi Joseph trouva grâce devant son maître, et il le servait, et son maître l'établit sur sa maison, et lui remit entre les mains tout ce qui lui appartenait. Et il arriva que, depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il avait, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur toutes les choses qui étaient à lui, tant en la maison qu'au champ. Il remit donc tout ce qui était à lui entre les mains de Joseph, sans entrer avec lui en connaissance d'aucune chose, sinon du pain qu'il mangeait. Or Joseph était de belle taille, et beau à voir. Et, elle arriva, après ces choses, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph, et lui dit, « Couche avec moi. » Mais il le refusa, et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître n'entre en aucune connaissance avec moi des choses qui sont dans sa maison, et il m'a remis entre les mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi, et il ne m'a rien défendu que toi, parce que tu es sa femme, et comment ferais-je un si grand mal, et pécherais-je contre Dieu ?» Et quoiqu'elle en parla à Joseph chaque jour, toutefois il ne lui accorda pas de coucher auprès d'elle, ni d'être avec elle. Mais il arriva un jour qu'il était venu à la maison pour faire ce qu'il avait à faire, et qu'il n'y avait aucun des domestiques dans la maison, qu'elle le prit par sa robe, et lui dit, « Couche avec moi. » Mais il lui laissa sa robe entre les mains, s'enfuit, et sortit dehors. Et lorsqu'elle eut vu qu'il lui avait laissé sa robe entre les mains, et qu'il s'en était enfui, elle appela les gens de sa maison, et leur parla, en disant, « Voyez, on nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous, il est venu à moi, pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et sitôt qu'il a ouï que j'ai élevé ma voix, et que j'ai crié, il a laissé son vêtement auprès de moi, il s'est enfui, et est sorti dehors. » Et elle garda le vêtement de Joseph, jusqu'à ce que son maître fût revenu à la maison. Alors elle lui parla en ces mêmes termes, et dit, « Le serviteur hébreu que tu nous as amené, est venu à moi, pour se moquer de moi, mais comme j'ai élevé ma voix, et que j'ai crié, il a laissé son vêtement auprès de moi, et s'est enfui. » Et sitôt que le maître de Joseph eut entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Ton serviteur m'a fait ce que je t'ai dit », sa colère s'enflamma. Et le maître de Joseph le prit, et le mit dans une étroite prison, dans l'endroit où les prisonniers du roi étaient renfermés, et il fut là en prison. Mais l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sa gratuité sur lui, et lui fit trouver grâce envers le maître de la prison. Et le maître de la prison mit entre les mains de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et tout ce qu'il y avait à faire, il le faisait. Et le maître de la prison ne revoyait rien de tout ce que Joseph avait entre ses mains, parce que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il faisait.